À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, réunification, revue sociopolitique mensuelle de l'Association internationale des Coréens pour la réunification, a présenté un numéro spécial titré « 16 février 2017, 75e anniversaire de naissance du camarade Kim Jong-il » avec son portrait. La revue a également inséré le tableau de peinture du président et du général, les photos de la direction de l'armée populaire, du cinéma, du bâtiment et d'autres secteurs par Kim Jong-il, ainsi que sa photo prise avec le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Elle a présenté la noble vie du général coréen consacrée pour le progrès de la Corée et le bonheur des Coréens. Dans son sous-titre « Le socialisme est une science, Kim Jong-il », la revue a expliqué que le général coréen a livré dynamiquement les activités de penseur et de théoricien dans les années 1990, quand les impérialistes et les opportunistes parlaient de l'effondrement du socialisme, afin de prouver scientifiquement la justesse et l'inéluctabilité de la victoire de la cause socialiste. L'auteur y a écrit que Kim Jong-il a défendu la souveraineté et la dignité de la patrie et de la nation avec l'original politique de Sun Gun et développé l'invincible socialisme à la coréenne.